Hop. Et voilà, il est midi passé de 18 minutes et donc c'est largement l'heure, avec un tout petit peu de retard, de se souhaiter un bon appétit. Ah, bon apnadan. Bon apnadan. Alors attends. Putain, vraiment. Hop. Feydan. Lutin. C'est d'une lutin. Lutin, lutin. Hop, et voilà. Allez. Bon apnadan. Ah mais oui. Ça, c'était les concerts d'hier. Ah mais c'est genre, c'est un sampler. Ouais, sampler à touche. Enfin, ouais, un bah pad. En fait, regarde. Bah oui. Mais. Oui, ah, c'est trop bien. Mais oui, oui, j'en avais téléchargé un comme ça. Après, tu peux faire les séquences, mais après, tu peux mixer. Il y a plein d'effets géniaux. Et il marche tout en même moment. Et trop, faut avoir fait, des pas un... trop gros doigts, quoi. Ouais, sur iPad, c'est mieux. Et après, tu peux aussi choisir un son. Tu connais ce mec? Ça me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas le son avec le filtre moustache? Ah oui, là on voit bien son ascendant panthère. Voilà. Et donc ça, c'est quoi là? Mais ça, il faut présenter pour plus. Mais... Dis-moi, Nadan, est-ce que cette application ça, est gratuite? Quoi, là? Non. Quoi là? Merde. Quoi là? C'est beau. Comme ça, quand tu auras fait une composition après, à la fin, tu pourras venir. On pourra faire un vrai sujet. Non ? Ouais. Ça y est, c'est bon, c'est parti, quoi. Faire de la psytrance. T'as déjà utilisé ça pour faire des albums ou pas ? Non, mais j'ai enregistré plein de choses. Je me rappelle plus. D'accord. Non, pas les albums, mais j'ai enregistré pas mal de chansons. Super pop. Ouais. C'est après l'hyper pop, il y a le super pop. C'est juste un petit peu moins pop. Dirty, c'est quoi Dirty? Ça, c'est un mix de concert d'hier. Mais avec le Dirty, là. Tu veux le dire Dirty? Dirty. Trop bien. Mais ça sent vraiment bien quand tu les branches dans le sonore. Bah ouais. Tu viendras à la radio brancher ça. Ah, super. Okay. Merci Nadan. De rien. Et voilà, merci Nadan, c'était super. Le troisième volet de la série des Bon Apnadan sera plus tard dans la semaine, voilà.